Monsieur Loyal, je n'ai pas de mal à faire un clown sans égal. Roi du ballet, j'aurais s'il fallait danser dans votre ballet. Pour les gestes de ma fonction, je prodigue avec tant d'onction, sans me plaindre, l'art de feindre, mes seigneurs, serviteurs, sous l'habit d'un valet plein d'ardeur. Je fais le clown, clown, clown. Toute ma vie, j'ai fait le clown. Les airs cocasses et les grimaces font partie de l'ABC du métier. Je fais le clown, clown, clown. Quand on me traite de bille de clown, je prends l'air bête, baissant la tête. Je prends ça pour un mot d'amitié. On dit tout bas, bon, bon, c'est un pantin. On ne me croit pas, pas, pas, pas très malin. Je l'admets, mais c'est faux. Je connais mes défauts, jamais là quand il faut. Je trouve ça rigolo, bien plus encore, oui, d'être là, surtout quand il ne le faudrait pas. Je fais le clown, oui, mais autour de moi, je m'aperçois que le plus clown, ce n'est pas moi. Car dans mon emploi, tout ce que je vois me fait rire et pleurer à la fois. Et je me dis, sans chercher 14 heures à midi, je ne suis qu'un pauvre pitchoun. Je fais le clown. Chacun de nous rappelle après tout le pitre au joyeux Bakou. Le plus petit sans prendre parti s'affuble d'un travesti. Dignitaires et gens de cour, chamarrés de trop beaux atours. Vous qui faites des courbettes, potentats ou rasta, paradon sur le char de l'État. C'est vous les clowns, clowns, clowns. Et nous applaudissons les clowns. Leurs belles phrases, pleines d'emphase, sonne creux comme la peau d'un tambour. Et tous ces clowns, clowns, clowns, comme sur piste font les clowns. D'une main preste, change de veste pour se mettre à la mode du jour. On a beau bas, bas, bas, bas, dit d'ennui, on ne les croit pas, pas, pas, mais on les suit. Aujourd'hui, sans raison, pour un oui, pour un non, ces gens-là, c'est inouï, vous font changer d'avis. Et suivant leur dada, changer de candidat quand il ne faudrait pas. Ce sont des clowns, oui, mais ce sont ceux-là qui font la loi. Et je constate avec effroi que de leurs exploits, tout ce que je vois me fait rire et pleurer à la fois. Et je me dis, sans chercher 14 heures à midi, nous sommes tous de pauvres pitchouns. Faisons les clowns.